CFOU 89 1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès C'est fou pour la semaine du 4 au 10 novembre 2013. Salut Steph! Salut Matt! Hello! On va passer 3 heures ensemble, toi, moi et le public. Oui? Cible. Mais seulement le public cible. Seulement le public cible. On ne veut pas de gens qui ont voté pour nous. Donc, on ne commencera pas à faire des blagues politiques, là, hein? Ben, c'est pas une blague. On veut vraiment pas qu'ils nous écoutent. Non, c'est ça, en effet. Ben, s'ils nous écoutent, de toute façon, ils vont être tellement offusqués qu'ils vont changer de poste assez rapidement. Mais là, étant donné qu'on n'a nommé aucun politicien, peut-être que tout le monde va se sentir offusqué puis tout le monde va fermer sa radio. Ah, non, attends un peu. Non. Ah, ça marche pas. Ah. Donc, aujourd'hui, dans notre édition complète, on va avoir tout plein de bonnes choses. Entre autres, 5 nouvelles entrées. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros sont toujours du côté anglophone Mother de The Whale. Et du côté francophone, est-ce gros bas que des frères Goyette? I don't know and I don't care. Non, c'est pas vrai, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais rester là pendant 3 heures minimum parce que souvent on dépasse. Mais en fait, on a quand même quelque chose à vous révéler, là. On le sait déjà, nous. Non. Spoiler alert, nous sommes au courant. On a des petites feuilles. Ben oui, on sait pas tout ça par cœur, malgré vos croyances. On a de très bons acteurs, par contre, hein. Et très bons chanteurs aussi, vous le saurez peut-être si on chante. Il y a des émissions où on chante. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc voilà, ben je pense qu'on est... oh non, avant, il y a aussi les instants classiques. Ben oui. Il y a ailleurs dans les palmarès. Plein de bonnes choses, t'as dit. Ouais, c'est ça, il y a Palmarès in Peace. Est-ce qu'il y a des Froot Loops? Il y a peut-être des Froot Loops, mais juste des petites boîtes, mais que tu peux ouvrir, mettre le lait directement dans la petite boîte. Ah, oh, ça c'est malade, dans le petit papier ciré. C'est cool, ça doit faire comme 40 ans que j'ai pas mangé ça. À peu près, et celles qui ont les épiceries doivent sûrement dater d'il y a 40 ans, parce que je vois jamais personne partir avec ça, jamais. Probablement. Sûrement pas de roulement là-dedans. Donc voilà, ça veut dire qu'on est rendu à commencer notre émission, et la première heure s'appelle les Palmarès C'est fou, édition New Shit. Bonjour, bienvenue au Palmarès C'est fou. C'est la portion new shit des Palmarès C'est fou pour ceux qui comprennent pas. C'est la portion du 4 au 10 novembre 2013. Portion numéro 1 de 3 avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Deux personnes qui s'étouffent, une qui a une qui s'étouffe. On dirait que j'ai parlé de touffe, mais ça s'étouffe. Hey, c'est drôle que tu parles de ça. De touffe? Parce que mon rêve... Parle-moi de tes rêves. Non, je vais passer à autre chose. Donc, c'est la portion New Shit pour la semaine du 4 novembre. Ce qui veut dire qu'on va entendre les nouvelles entrées de cette semaine pour commencer. Et il y en a 5 en tout. Plus tard, on va entendre Alex Nevsky, Mange l'ours, mange, Simon Kearney, Louis-Philippe Gingras et The Cat Empire. Mais on débute en 20e francophone. Et c'est Louis-Philippe Gingras. Tu l'as nommé dans tout ton temps. Oui. C'est Louis-Philippe Gingras avec Rouler dans le noir. J'ai fait ça. Mais oui. Ouais. Rouler dans le noir, j'aime pas ça. Mon ancienne voiture, il aurait fallu que je polisse les phares, je voyais rien. Fait que je voulais trop vite sur l'autoroute dans le noir. Tu sais, c'est bizarre comme d'utiliser le verbe, le mot police comme dans l'accord du verbe polir. Il fallait que je polisse, puis je roulais trop vite. Oh, wow! Joke de police. Oui, oui. Puis la police est assise, t'es rentré dans le mur. Non, dans un arbre. Dans un trou de beigne. Dans un trou de beigne? Chez Duncan. Miam. Hey, bonne émission, New Shit, man. Hey, toi aussi, double. Des rêves égrenés dans le fond de mon toaster. De l'amour calciné dans le fond de mes shorts. De la bouffe dans mon fridge. Des lumières allumées. Pacter mes petits bouts de maison. Je suis parti me faire une raison. C'est ton fantôme dans le fond d'un truck stop. J'ai tatoué son nom dans mon paquet top. J'ai skippé le domaine. Peur que tu te ramènes, que tu me ramènes dormir à maison. J'suis parti à chasse aux démons. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir.

Je trippe bien raide sur cette nouvelle chanson de The Cat Empire, c'est Wild Animals, deuxième extrait de l'album Steal the Light en 20e anglophone. Et tout juste avant du côté francophone, toujours en 20e, Rouler dans le noir de Louis-Philippe Gingras. Tu dis bien des choses puis je les entends pas tout le temps. Ah ben, tant mieux parce que des fois je dis des niaiseries. Moi, quand j'ai des niaiseries, tu me le dis. Fait que tu sais, tu dois les écouter. Oui, moi, je t'écoute. Mais non, mais je suis une fille. Je veux dire, je perds rien, je garde tout pour être sûr d'avoir des arguments contre toi me sauver un jour. Uh-huh. Et moi, je voudrais revenir à la pièce de Cat Empire. Oui. Parce qu'on dirait que même si tu l'as dit, j'avais pas réalisé que c'était ça, mm-hmm. tellement ça ne ressemble pas à la précédente pièce sur le palmarès. Non, la précédente était Brighter Than Gold, le classique qui me joue même dans la pub des Palmarès C'est Fou, qui va sûrement encore jouer quelques semaines parce que j'ai pas encore pris le temps de donner de nouveaux extraits. Mais bref, celle-là était particulièrement genre indie pop, Brighter Than Gold. Celle-là est un petit peu plus reggae town, mais le reste de l'album est vraiment encore plus reggae et ça a été difficile de trouver une chanson qui était palmarès-esque. Effectivement, c'était vraiment très reggae puis je m'attendais vraiment pas à ça. Mais bonne par contre. Oui, c'est bon. Ouais, vraiment. On n'a pas dit que c'était pas bon. Non, c'est ça. C'est différent. Des fois, quand on dit pas de commentaires sur une pièce, comme celle que je joue au début du vlog, c'est peut-être parce que peut-être qu'on n'a pas tant d'affinité avec cette pièce de Louis-Philippe Gingras, mais on aime le gars quand même. Sûrement, je le connais pas du tout. Moi non plus, je le connais pas, mais il est sûrement fin. Hein? Ouais, sûrement. Ben, son style de musique est un genre. Mais bon, si vous aimez ça, tant mieux. C'est un genre random. Un genre random, pas mal. On va sauter par-dessus trois pièces du côté anglophone pour aller entendre nos nouvelles entrées. On fera le tour tantôt parce que là, on est en portion de nouvelles entrées, donc on ne reviendra pas sur des vieilles affaires pour l'instant. On va aller entendre le bloc 19, 18, 17 francophone. Plus tard, il y aura Alex Nevsky et Mange l'ours, mange. Mais on commence avec la 19e place francophone. C'est Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Au palmarès, c'est fou! Hein, édition New Shit. Laisse-moi pas dans une savane qu'on fait danser pour une banane. C'est qui le plus beau ici? On va y faire une carrière. Si tu souris, c'est tu qui plaire. On va t'apprendre à pas t'en faire. C'est qui les mieux élevés? Les chaussures plus shiny. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord? Laisse-moi pas tomber. Cette fois qui me dit que le monde est grand, moi je suis ben trop petit. Et laisse-moi pas tomber au milieu du décor. Je veux pas finir dans la ruelle, je veux pas manger dans leur poubelle. C'est qui les mieux élevés, les chaussures plus shiny. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord. Laisse-moi pas tomber. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Ça vous est déjà arrivé de dégueuler sur la piste, les filles? On vient d'entendre la dernière nouvelle entrée du côté francophone. C'était Alex Nevsky avec « Mieux vaut vivre pauvre ». Pauvre. Hein? Je suis pas toute seule à mettre des A partout. Ben non. Pauvre trouille. Tout juste avant, on a entendu en 18e place « Terrifié et ». Terrifié ER. Je tiens à le préciser parce que ça change de sens. Là. Terrifié. De Mange l'ours mange. Et on a débuté avec la 19e place, c'est Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney, un album qui est réalisé par Antoine Graton, d'ailleurs, et écrit. Ah ouais? Donc c'est bon. Du côté anglophone, on a sauté par-dessus trois choses. En 19e place, on a entendu Fur Trade et Don't Get Heavy qui descend de deux places. En 18e place, on a sauté par-dessus The Dang, c'est Experimental Fiction. Et finalement, en 17e place, on a entendu Ostra et Painful Light qui descendent de la 8e place sur l'album Olympia. Maintenant, ben, étant donné qu'on a entendu quoi, 5 nouvelles entrées, oui. C'est pas mal, c'est comme une main. T'as envie de faire un high five? Hey, je t'en fais un. OK, à distance? Bravo. C'est comme... Pourquoi ça a sonné deux fois? Parce qu'on essaie tous les deux de mimer. On a fait un double high five, c'est ça. On avait les deux mains. On a fait comme à la petite école, on s'est tapé dans les mains, genre... C'était quoi la toune, donc? Un éléphant qui se balance... Hé, gars, je savais. Je savais qu'on allait... On savait qu'on allait chanter encore. Fait là, je suis sûr que ça finit par... Un éléphant, pam, rest in peace. Just now. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. C'était des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2013. On a donc dit au revoir à l'homme éléphant de El Motor qui est resté 8 semaines. Ensuite, les coloriers d'Alex Nevsky qui a duré 9 semaines. Ensuite, Princesse Carnivore de Violette Pie, qui est restée 7 semaines. C'était suivi des Hand Claps et J'aime ça, qui a duré 8 semaines. Et finalement, Sooner or Later de Imaginary Cities, qui est resté un magnifique 13 semaines. Pourquoi plus faire cette blague-là? Sooner or Later. Ah, inquiète-toi pas, t'as pas fini de m'entendre la chanter quand même. Il va falloir qu'on la joue pour toi. Dans un futur bloc, c'était fou quand on fera C'était fou, il y a vraiment pas beaucoup de temps. Quand on se forcera plus pas tout. Ou peut-être que je vais être encore là dans 5 ans. Ah ben ça, je ne peux qu'espérer. Hein? Ah oh, ben c'est gentil. Ben oui, c'est un compliment. Ben ça avait pas l'air d'un compliment. Ben je sais pas, toi des fois. Bon, encore une affaire. Maudite fille, hein, ça se peut-tu. Voilà, on a sauté, comme on disait, par-dessus les 19, 18 et 17 anglophones. Ça veut dire qu'on est rendu des deux côtés au 16e place. Et du côté anglophone, on va écouter Dirtic et The Dreams in the Ditch qui descend de la 7e position. Et du côté francophone, ça a descendu de 2 et c'est Tout explose des Chercheurs d'or. On l'a fait jouer juste parce qu'il est là depuis 3 semaines. La semaine suivante, on va te skipper ça dans le champ. Ouais. Elle a déjà descendu. Un petit peu, hein? Ah, ouais. C'est bizarre. Eh! Coudonc! Pour moi qui va broyer là-dessus. C'est pas mal à Cifou édition! You shit! Non, je n'aurais jamais pu penser que tout erreur avait son bon côté. Toi, tu lis l'avenir dans nos traces et tu gardes beau à la surface. êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 16. Dreams in the Ditch par Dear Tick. C'est la position numéro 16 qui descend de la 7e en anglophone. T'es sûr que c'est pas This Is It, là-dessus? Pas mal sûr. C'est bizarre, hein? Il y a des tunes comme ça, des chansons qu'on se demande pourquoi ils l'appellent pas juste par le nom qu'ils disent mille fois leur chanson. Probablement parce qu'ils sont plus originaux que nous. Originés. Oui. Et voilà. Et finalement, tout juste avant, du côté francophone, en 16e place, c'était Tout explose des chercheurs d'or. Kaboom! Paf! Kaboom! Alors, on va aller avec les 15e places. Hein. Quoi le plus classique après la 16e que la 15e? Donc, du côté anglophone, ce sera The Darcy's. Une pièce qui est là depuis seulement 3 semaines, c'est Hunting. Et du côté francophone, aussi là depuis 3 semaines, c'est Map Monde des Sœurs Boulay. Oh, ils sont fins, eux autres. Ça descend de 2. Bon. Petite information random comme ça. Ils sont fins, pareil, ça. Ils sont fines, sont belles. Oui. Ils chantent bien. Ils sont drôles. Oui, ils sont très drôles. Ils embarquent dans nos gags. Ils sont gaspésiennes. Ah, ben ça. Que des qualités. Oh, ouais, c'est ça, je n'allais pas tenir ça contre eux, hein. Ben non. Ben non. C'est à peu près ça, hein? C'est les Palmarès assez fous édition New Shit. New Shit. New Shit. New Shit. Ah, New Shit. Tu ne présenteras jamais ta mère, ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas. Jamais dans le métro, j'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier.

The Darcy's et Hunting descend de 11 places en 15e anglophone. Et ça descend de 2 places du côté francophone. C'était Map Monde des Sœurs Boulay. 2 bonnes pièces. Ben oui, ben de bonnes pièces. On n'a rien sauté jusqu'à maintenant dans l'émission, mais là, on va devoir sauter par-dessus quelque chose. Et on va faire un bloc 13-14, mais ça va être un bloc 50-50. Une sur chaque barre. Moitié-moitié? Moitié-moitié. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Half and half, non. Voyons, j'ai jamais compris l'idée des 50, des half and half, moitié-moitié. Je comment comprends ça? Pas. Comment ça marche? Ben, c'est facile. T'achètes un billet. Oui. Et le montant total, ouais. Ben, tu peux gagner la moitié du montant total des ventes. Puis la moitié, elle va ben, à la personne qui organisait ça. Aha. Sinon, ça serait juste plate de faire ça. Ouais, c'est pourquoi ça. Est-ce que tu te casserais le bicycle pour faire un moitié-moitié si ça te donne rien en retour? J'avoue, c'est un bon point. Donc, on va faire, comme on disait, un moitié-moitié. Et du côté anglophone, on va sauter par-dessus la 13e place. C'est Baja Boulat avec Produce Not to Think About Love. On va entendre la 14e, Ockerville River et Lido Pier Suicide Car. Et du côté francophone, c'est l'inverse. On va sauter par dessus la 14e place et l'art pour l'art de Midi Cayenne Club. Et on va plutôt entendre la 13e place qui a monté de 6 et c'est Feu Follet de David et les Bois. En effet. En effet, bon point. Puis là, je comprends maintenant les moitiés-moitiés, fait que je vais me coucher un petit peu moins niaiseux. Non. Mais tu vas continuer de me traiter de cave quand même. Hein? Non, pas de cave. J'ai jamais dit que t'étais cave. Sous-sol. Maillet. Maillet. Ou autre sorte de pioche ou marteau. Ou... J'imagine que c'est un certain lien avec ton entre-jean. Faut tout le temps ramener ça à mon gigantesque entre-jean. Ben oui. C'est quand même assez fou. Bientôt tu seras ici avec moi. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Mmh.

Je me suis trompé. J'ai tout gâché la chanson. Je me suis trompé. Ça l'enlève un peu de cachet. Ouais, un petit peu de cachet. Alors, on vient d'entendre Lilo Pierce Suicide Car. C'était par Okkervil River en position numéro 14 anglophone. Et en position numéro 13, du côté francophone, c'était Feu Follet de David et les Bois. Ça fait seulement deux semaines que c'est là. Exact, c'est un bloc 50-50. On avait déjà dit précédemment ce qu'on avait sauté. Donc, on va encore sauter d'autres affaires pour terminer. Veux-tu nous dire ce qu'on saute en francophone? Mais oui, pourquoi pas? Donc, du côté francophone, on va sauter par-dessus la 12e, qui est No Car de Jimmy Hunt. Et finalement, par-dessus la 11e place, qui est J'aime quand tu m'appelles mon amour de Sonny Duval. En anglo, on saute la 11e place, Random Recipe et Joy, pour aller entendre en 12e, Sleep Sick de Dinosaur Bones Right Now. C'est pas mal, c'est fou édition. New shit. Shit-ish. Shit? Comment tu dis shit? OK, shit. Swept me like a tidal wave. Off of this hardwood floor and into the bed I made. But then my eyes roll back, looking for a place to go, fighting off a heart attack, fever like I can't control. Mr. Bones et Sleep Sick descend de deux places en 12e anglophone. Et c'est là-dessus que se termine la portion New Shit des Palmarès C'est Fou. Déjà? Ouais, ça passe vite une heure. Hein? Mais ça passe vite quand c'est de la bonne musique. Tellement, mais ça va continuer comme ça, soit dans quelques instants pour les auditeurs du dimanche ou du jeudi. Ouais, je l'ai dit à l'envers. Quoi? T'as quelque chose contre ça? Sinon, du lundi au mercredi entre 17h et 18h pour l'édition quotidienne, ben ce sera demain. Fait qu'à la prochaine. À bientôt. Tu veux pas me reprendre sur d'autres choses? Non. Bye. Malin. C'est les Pandora C'est Fou édition top 10 pour la semaine du 4 au 10 novembre 2013. Et c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Hi-ha! Hi-ha! Cowboy? Non? Pas tant cowboy, toi, hein? Ben, non. Non? Vache? Vache? Cheval? Je faisais juste une liste de choses qu'on retrouve dans un rodeo ou des cowboys. Cheval, j'aimerais ça. Sinon, buisson d'amarante. Buisson d'amarante? C'est quoi ça? D'amarante. D'amarante? Tu sais pas c'est quoi l'amarante? Pas en tout. Tu sais, la petite herbe séchée qui roule dans les westerns? Oui. C'est de l'amarante, mon joueur. Je pensais que c'était du foin, moi, ça. Ben, c'est un genre de foin. OK, c'est une sous-catégorie de foin. Non, le foin est une... Oui. OK, de toute façon, je vais aller faire mes recherches sur foin Internet. Sur les fois Internet. Excuse-moi. Fouette. On commence le top 10 avec les 10e positions. Quand il y a le nom du compteur anglophone, c'est celle de Whaley Mother, l'ancien numéro 1. Eh ben oui, déjà l'ancien numéro 1, du côté francophone, gros bas, des frères Goyette. Tu vois, en parlant vite, on s'est rendu à la fin de la chanson. L'autre commence, ça fait un super mix. Bravo à moi. Mais oui, on a juste accéléré. C'est ça. Je trouve on rien à ce que je disais, mais c'est même pas grave. Ça fait beau à la radio. Je te dirais... Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, t'aurais été low profile. Au moins, essaye, mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse cour, chante le jour pis dans la nuit. Ouais, mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, femme d'Elvis, Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous en way, bouge comme le king en way. Bouge, m'inspire ailleurs, à l'idée, cash. J'en connais une coupe cash, mon anse, sème le doute. Mais le man dans le temps, sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques, fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres, une bière en fût, ben loin de monde. Check one, two, manque mon minute, m'a de prendre moins de kick. J'suis pas le king en place, ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se crisse de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste en tête, je garde espoir, me garde du fun. Try to live my life like David does, but something always feels just like... security that I need. Cover. I hope forever. C'était The Wailey Mother, lancé numéro 1, maintenant en 10e place anglophone. Et ce côté francophone, c'était aussi lancé numéro 1, c'était Gros Bug des Frères Goyette. J'ai commenté encore sur le mood, parler vite, ce bout-là, mais là, avec ce fond-là, m'a commencé à me calmer les nerfs. Après ça, on va me prendre un nouveau citron, nuit, avec des artistes terminés qui sont supposés m'endormir. Un nouveau citron, t'as dit? Un nouveau citron. Oui, c'est ce qui va contre le rhume, un nouveau citron. Un nouveau citron, ça, ouais. Sur mes affaires de rhume et tout ça. Toi, est-ce que t'as un rhume en ce moment? Non. T'es sûrement la seule, mais on travaille à un mètre de distance dans le bureau, donc tu vas l'avoir bientôt. Hein? Je te le dis tout de suite. Ben non, peut-être non. Pas. Peut-être pas, t'as un système assez résistant, toi. Je pense que oui. Je pense que mon corps fait comme, ben, gars, j'ai pas de temps à perdre avec le rhume. Hey, la vie déjà, c'est compliqué de même, hein? Hey. Ça, en tout cas, vous me comprenez, ceux qui ont le rhume, c'est-à-dire 90% du monde. Mais en fait, parce que je l'ai eu juste avant l'Halloween, donc c'est peut-être le même microbe. Donc si c'est le même, je pense que tu peux pas avoir deux fois le même. C'est parce que ces microbes-là vont muter génétiquement. Muter? Mais non, mais ils se font une nouvelle carapace, puis okay. Notre système fait comme, hein, je l'ai jamais eu celui-là. Comme une tortue coupa, là. Une tortue coupa? C'est une carapace, hein? OK. Mais est-ce qu'ils changent de carapace pour se camoufler? Il y en a qui volent. Attention. Ah oui, c'est en même coup. Puis des fois, ça change de couleur aussi. Oui. T'as des rouges. Les vertes, ils font voler quand tu l'avales avec Yoshi. Là, c'est rendu plat. Ah non, c'est les bleus avec lesquels ça tu voles. Ça, j'ai dit, les bleus. T'as dit les vertes. Pour vrai? Ben, je suis trompé. Ben, il me semble que t'as dit les vertes. Parce que je savais que c'était bleu, mais dans ma tête, en tout cas, bref. On s'éloigne, hein? Essaye pas. T'es même pas bon. Tu connais pas Mario pour vrai. Je t'ai eu. Les rouges, ça crache du feu. Les bleus, ça vole. Les verts, c'est juste plate parce que t'es lent. C'est comme de base. En tout cas. 9e place anglophone, c'est on parle de chien dans ce cas-ci pour Dr. Dog et Broken Heart qui montent de 10 places. Et du côté francophone, on s'en va entendre Ces bottes sont faites pour marcher de Michelo. T'es un pigeon, ça? T'es un pigeon. OK. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois. Mais toi dans la vie, tu ne m'as rien donné. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Life for me has just been a walk in the park. It doesn't really matter, it never really mattered. I never really had a broken heart, yeah. Such a shock to me. But next to me, my people going through the motion. And when it's over, yeah, the hearts are broken. I find on the shack. She really loved me, but I couldn't see it done. He really loved me, but I don't believe it. Broken Heart, nouvelle entrée de la semaine passée par Dr. Doug, maintenant en 9e anglophone. Et du côté francophone, c'est la 9e semaine que c'est là. Sans monter de 3, c'est Ses bottes sont faites pour marcher de Michelo. Tantôt, en 8e place, on aura Bravo Funkin et Nico Case. Mais avant ça, on s'en va entendre les meilleurs moments. Ça veut pas dire grand-chose. Écoutez-les, vous allez voir. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 4 novembre 2013. In some

CFOU 89.1. Désolé, c'était complètement inexcusable cette affaire-là. Il y avait deux chansons que je jouais en même temps. C'est ma faute. Donc, on vient d'entendre du côté anglophone Nico Case. C'est la pièce The Man. Et ça, c'est la position numéro 8. Ça monte de 8 places sur l'album The Worst Things Get The Harder I Fight. Alors que du côté francophone, c'était Tant Pis Pour Nous de Bravo Funken sur l'album Tu T'es Mise à Crier. En fait, c'est un P. Comment? C'est un maxi. Là. Presque un album. Ah, presque. Mais non, détrompez-vous. C'est pas un album complet. C'est triste. Ben oui, j'en veux d'autres, là. Les tunes de Bravo Funken. Néon! Oui! C'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, non? Ah, ok. C'est pas toi, Bravo Funken? Non, mais tu me disais Bravo quand même, sauf que c'est Funky Matt au lieu de Funken. C'est Ken comme dans Barbie. Je sais pas si elle est là. Ken comme dans Barbie. Oui, Bravo Funken, comme dans Ken, il fun. Il y a du plaisir. Oh, je pense pas qu'il y ait de lien avec Barbie. Non, mais quoi, il peut pas avoir tant de plaisir que ça, Ken, hein, parce que, tu sais, il y a pas rien. D'entre gens. C'est comme très lisse. Ouais. Oui. Ouais, il est Alice au Pays des Merveilles. Il est Alice au Pays des Merveilles. OK. OK, bon. Donc, on retourne sur la musique, mais une chanson à la fois. Du côté anglophone, ce sera Braids et Fluent qui montent de 7 places. Et c'est stable du côté francophone, c'est Armée de Montgolfière de Jason Bayada. Il est bien armé. De Montgolfière. Comme un système d'alarme, là, pas qu'il est armé comme dans l'André Jean. Ah, oh, OK. Oups. Le soleil fusils. Sur le point d'éclat est une épanche suppliant qu'on le sort.

Braids et la pièce Fruin qui monte de cette position en anglophone, c'est numéro 7. Et du côté francophone, c'était Armée de Montgolfière de Jason Bayada. Et avant de continuer avec nos prochaines positions, en tout cas si on a le temps, d'après moi on devrait avoir le temps pour au moins une de ces chansons-là. On est avec le petit bloc qui recule en arrière comme un truc qui ferait bip, bip, bip. Comment tu dis? Bip, bip, bip. Ah, c'était plus réaliste. Ah, voici, ouais. C'était fou. C'était fou, c'est le bloc qui recule dans le temps et on recule tout le temps à une semaine qui est la même que maintenant, mais v'là un bout. Dans le sens que là, on retourne au 6 au 12 novembre 2009 pour l'entendre nos numéros 1 et une pièce bonus. Donc, du côté anglophone, la position numéro 1 de l'époque, eh bien, c'était Tegan et Sarah avec Hell. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Très bon, ça. C'était vraiment excellent sur l'album Sainthood. Et du côté anglophone, ben, francophone, pardon, c'est quelqu'un qu'on connaît plus encore. C'est Fred Fortin. Ah, Fred Fortin! C'est qui ça? C'est le gars là, avec l'album Plâtrer la Lune? C'est notre. Non? Fred Fortin, non? Non? C'est. Ouais. Le gars qu'on connaît plus, qui? T'as un peu là, je peux te chercher une bio francophone tantôt. Moi. Ok, oui. Alors, on va entendre la pièce La Merveille Masquée sur l'album Plâtrer la Lune. Et puis, je te dis, là, il est connu. Okay. Relativement parlant. Désolé. <C'est bien. rire> Trouvez ça par la salle. Je te dis quatre larmes ta gomme. Je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça, c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Elle emmène tout un train d'allant. Ton père, les sucrés, sa majesté. Quelque chose à quoi c'est pas ce qu'il y a dérange. Comme parler puis promener, ça gomme entre ses beaux dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. T'as les yeux dans mes. Quand une balloune tombait sur le nez, ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. Si tu me laisses un bout de ton trésor sucré, si c'est pas une aubaine, c'est tout comme. Au moins je pourrais t'aider à épargner vos dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. Ça, c'est de la bonne, c'est de la bonne. C'était le bloc C'était fou pour cette semaine. On vient d'entendre trois pièces qui étaient dans les palmarès C'est fou pour la semaine du 6 au 12 novembre 2009. Hey, ça, là, c'était fichtrement bon. Fichtrement bon. Je t'ai dit, écoute, cette chanson-là est vraiment bonne. On a parlé tout le long. Mais non, mais bon. Je me sentais bien. Je veux dire, l'ambiance était bonne. Oui, ben c'était Spiral Beach avec Mego Round and Mania sur leur album The Only Real Thing. Et Colin, que j'adore cette pièce-là, c'est une de mes préférées depuis que je suis arrivé à C'est fou. Là, ça fait trop longtemps. Avant ça, première position anglophone, c'était Tegan and Sarah. Un autre de mes duos préférés, en fait, de mes formations préférées. J'adore vraiment très, très fort d'amour Tegan and Sarah avec leur album Sainthood. C'était la pièce Hell. Et en francophone, ben, c'était Fred Fortin. Celui que tu m'as demandé tantôt, c'était qui, Fred Fortin? C'est entre autres celui qui a écrit Moisy, moi aussi. Mais c'est pas la seule chose qu'il a fait, là. Ben non, j'espère. C'est Moisy, moi aussi, qui a été popularisé par Star Academy, mais qui, avant ça, était très, très bonne. Et sur la page Wikipédia, ça dit que ça a eu un petit succès à la radio, mais c'était trop fucké pour les radios commerciales, tu vois? Oh, mais tu dis popularisé par Star Academy. En fait, je la connais depuis vraiment longtemps, cette chanson-là. Ah, okay. Je veux dire... En tout cas... Mais c'était la seule, mais je ne savais pas de qui ça venait. Voilà, et Fred Fortin aussi qui était dans le groupe Galaxy, pour ceux que ça intéresse, et Galaxy 500 avant ça. Gros Méné aussi, c'est lui qui est là-dedans, dont l'album Agnus Dei est sorti en 2012. Ouais. Ouais, t'aurais dû me dire ça Ben, c'est que je ne savais pas par cœur. J'allais voir pendant ce temps. Non, en fait, je savais que le nom me disait quelque chose, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé comme l'an dernier, hors d'onde, pour le plaisir. Ouais. Avec à cause de Galaxy, justement, et de Gros Méné, mais là... Ouais, et il était aussi batteur. En tout cas, je sais pas s'il l'est encore, ça, c'est un petit peu plus flou, mais il était batteur des Breastfeeders depuis 2006. Bon, donc, pas mal. Un nom qu'on connaît pas, mais quelqu'un qu'on connaît... mais il y a un nom tellement commun. Ben Fred oui. Fortin, Fred Pellerin, se mélange. Non, mais on s'entend aussi, on connaît pas les noms de tous les membres de tous les groupes non plus. Et on s'intéresse pas non plus. Moi, je me sac vraiment de quel gars est ou t'es dans le groupe, je m'en fous pas mal. En général, moi aussi, j'aime la musique et ça finit pas mal. Ouais. Est-ce qu'on regarde un petit peu, tant qu'à être dans le bloc, c'était fou, et d'avoir quelques secondes à gaspiller à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il y avait dans le top 20 franco et anglo de cette semaine-là en novembre 2009? Je remarque, entre autres, je vais y aller au hasard, un petit peu, la Patero, c'était là, Yann Perrault, M, Alexandre Desilets, Vincent Vallière, Bernard Adamus. Il y avait Ariel, que j'aime beaucoup, Mimi Van Der Glo, Valès Parietar, qui a écrit la chanson thème d'Assemblage requis, We Are Wolves, alors que du côté anglophone, il y avait entre autres aussi We Are Wolves. Ils étaient des deux bars cette semaine, bizarre quand même. Ah? Sinon, il y avait... Colin, pas grand-chose qu'on connaît. Dead Man's Bones avec Ryan Gosling. C'est vrai? Hein? Ouais, oui, il était sérieusement? Je te le jure. Ah ben, DJ Champion et un paquet d'autres choses. Donc voilà, pour C'était fou, on fait ça pas mal à toutes les semaines ici au Palmarès C'est fou. Pour l'instant, ben, pour terminer cette deuxième portion d'émission, la portion au top 10, on a le choix entre Panache ou Royal Canoe. Je te dirais que je te force à écouter Panache parce qu'elle est plus courte. C'est plate, hein? Ben, en fait, c'est celle-là que j'allais te proposer, donc tu fais mon bonheur. Merveilleux. L'autre, elle dure 6 minutes, on n'a pas le temps. Donc, Panache, en 6e place, voici Léa dans les magazines. Okay. Chouette. Ouais, oui. Chouette. Je sais pas. C'est mieux de même. C'est vrai que Léa, ça, on dirait que c'est prétentieux comme prénom, hein? Non, on généralise, là. J'ai mal ou j'ai mon ego, Léa. Elle m'a appelé, mais moi j'ai coupé la ligne. J'ai pris mon portable à l'eau. Relâche chez Léa dans les magazines en 6e francophone. On a sauté par-dessus la 6e place anglo. La 6e place anglo qui était Bathtubs de Royal Canoe. C'est là-dessus que se termine la portion top 10 des palmarès C'est fou. On se retrouve pour la version top 5, soit dans quelques minutes, pour ceux qui nous écoutent le jeudi et le dimanche. Et sinon, demain, pour les gens qui écoutent la version quotidienne du lundi au mercredi à 17h. Et voilà! À plus! À très bientôt! Et ouais, pendant. C'est la version top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine du 4 au 10 novembre 2013. Mathieu Plante, ben c'est moi. Et moi, je pense que c'est Stéphanie Paradis. Oui! Tu penses que je suis Stéphanie Paradis. Moi, je suis Mathieu Plante et toi, tu penses que c'est Stéphanie Paradis. C'est ça? Non, non, moi. Tu penses que je suis Stéphanie? Non, moi. Toi, t'es qui? Stéphane Paradis. Stéphane d'enfer, on l'a déjà dit. Attends un peu, je suis pas Danny Janvier, moi. Danny Janvier, je suis tout mêlé. C'est le dîner de con, moi, ça, que j'anime. Oui, l'équipe est tellement petite, assez fou, qu'on c'est vraiment trop mêlant. On est assez fusionnés. C'est ça. C'est comme quand tu rencontres un troupeau de douchebags et qui ont toutes la même petite crête de fendant, avec les mêmes gros pipes sur les bras. Avec le tatou tribal sur le gros bicep. Le même chandail de Head Hardy. Tu fais comme, bon, ben tu t'appelles Pierrot, puis toi tu t'appelles... Pierrette. Pierrette, oh, on sait plus. On s'en sac. Donc, portion top 5 des palmarès C'est fou, où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Elle a monté son petit capuchon hoodie de son chandail pour chandail, sa veste. Tu te sens un yo, plus douchebag. Donc, du côté anglophone, la position numéro 5, c'est MGMT et Your Life is a Lie qui monte de 10 places. Et du côté francophone, je vais vous calculer ça pendant la chanson. On s'en va entendre Panache de l'artiste Pendentif. Yeah, check ça, man! Check ça! Yo, yo, yo! Hey! Buddy! Buddy! Sur l'autoroute, le corps est démonté. Pour une fête, oublier l'atmosphère. Il avait dû se passer quelque chose. Il avait dû se passer quelque chose. Oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues lorsque tu et je danse. Danse, danse. Rendez-vous au bas des éoliennes. Life is a Lie de MGMT au Palmarès Fou, c'est la position numéro 5 qui monte de 10 places. Et du côté francophone, ça a monté de 13. Oui, je l'ai compté pour vous. Et c'était Panache de Pendentif. Une chance que t'es là. Moi, je lui disais de faire, tu sais, parce que bon, on va expliquer que c'est de 18 à 5 qu'il est passé. Donc, moi, je disais 8 moins 5, 3, 13. Oui. T'sais, logique, là. Moi, j'ai fait 20 moins 5. Non, tu vois, j'ai fait 20 moins 15. Là, ça faisait, non, moins. Je sais pas, je suis arrivé à 13. Ben oui, 20 moins 5, oui. Non, non, mais je me suis dit, moi, c'est ça, tu sais, la différence entre 20 puis 5, c'est 15, mais t'en enlèves 2 parce que c'est 18. Sortez-moi de là quelqu'un! Que quelqu'un cogne à la porte! Bonjour, entrez! Ah, maman m'appelle! Non, on peut pas maintenant, la porte est toujours barrée. C'est vrai. Mais on a découvert que si on met notre petite carte, parce qu'il y a une petite carte magnifique, si on la met au fond de notre portefeuille, on peut juste passer le portefeuille sur le truc et ça c'est fonctionne. C'est malade. C'est le fun. On est rendu c'est en 2014 cool. Presque. À l'avance de la technologie, man. Ben oui, fourette. C'est ça. On est passé de la technologie des années 20 à la technologie des années 2010. Les clés. Oui. Années 20, tu veux dire genre 1420, là. Les clés existaient si tôt que ça? Mais non, mais les clés, ça va faire vraiment longtemps. Pense aux ceintures de chasteté, mon cher. Ah, c'est vrai. Mais dans le temps qu'une clé, c'était juste un gros bâton d'acier avec une coche à la fin. Genre. Clé vintage. Genre clé vintage? Vintage. Ouais. Vintage. Position numéro 4, tiens, maintenant, on est de moins en moins vintage parce qu'on arrive dans le vraiment récent et super à la mode trending on Twitter. Du côté anglophone, c'est The Albert Nzeka, Jolene Carter, qui descend d'une place. Et du côté francophone, un peu plus facile à calculer, ça a monté de 2, c'est Supernova de Brady Cardi. Voilà, c'est fou, édition top 5! Chaque fois j'entends ton nom. Champagne. The Albertans et Casual Encounters descendent une place en quatrième anglophone. Alors que du côté francophone, on a entendu Supernova de Bradycardie. Mm-hmm. Avant de continuer avec les deuxièmes places, troisième place évidemment, Lila Dissa et Miss Mister, troisième place. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, okay, ça c'est ceux qui sont pas à l'intérieur des palmarès et qui les écoutent tout le temps, vous pourriez ne pas savoir que ce n'est pas seulement un top 20 un francophone et un top 20 anglophone. Ah, t'es-tu sérieux? Je te le jure. Je suis tellement pas initié. Ouais, ben, gars, bah, t'initié, gars-moi ça. Ça va faire mon initiation? Ouais. Est-ce que ça implique des objets dans des orifices particuliers? Non. Je suis pas de même, moi. La crème fouettée dans la face? Ben, m'en manger des pickles trempés dans le croton. Si tu partages avec moi, ouais, c'est ça. Tu partages. Tu veux que je partage mes pickles au croton avec toi? Ouais. Donc, où en étais-je? Dans ces, on dirait une affaire sexuelle, ça, pickle dans le croton. Je vais te mettre le pickle dans le croton. Mais écoute, n'importe quoi dedans, n'importe quoi, ça peut finir... Avec un esprit croche comme le mien. C'est ça, je vais mettre mon ampoule dans ta lampe. OK. Mais en fait, ce serait l'inverse. En tout cas... Oui, on abandonne-tu? Oui, est-ce que tu veux que j'aille avec le top 30 des albums, par exemple? Commence donc avec ça, va. Écoute, moi, Mathieu, je vais te parler du top 30 des albums. Aujourd'hui, je vais vous parler du top... On dirait un exposeur. Aujourd'hui, je vais vous parler... C'est une blague. Les Lamentins. Non? Les quoi? Les Lamentins. Les Lamentins? Hein, c'est un animal? Oui. Waouh, on s'est perdu rare, hein? On est revenu à la vidéo. Ben non, mais j'allais te faire un exposé oral sur les Lamentins. Ah, mais c'est quoi? Dis-moi en plus, là. Tu m'as piqué ma curiosité. Je m'excuse, j'en sais pas plus. Ça part, c'est un animal marin. C'est plat! Ça morve. En tout cas, dans les Simpsons, ça morve. Donc, on a une seule nouvelle entrée dans le top 30 des albums. Et c'est Yamantaka Sonic Titan et l'album Yuzu. OK. Wow. Et maintenant, on passe au top 3. Donc, en troisième place, c'est Miss Mister avec l'album Second Hand Rapture. En deuxième, ça a monté de 18 et c'est Solid et son album Blame Confusion. Et finalement, le numéro 1 cette semaine dans le top 30 des albums, ça monte de 17 et c'est June in the Fields avec l'album June in the Fields. Ensuite, dans le top 3 des albums canadiens, en troisième place, c'est Solid avec Blame Confusion. En deuxième place, ça a monté de 16, c'est June in the Fields et June in the Fields. Et finalement, le numéro 1 cette semaine, c'est The Albertans avec Dangerous Anything. Dans le top 10 là, oui, il y a une seule nouvelle entrée. C'est en 10e place, Toxic Holocaust avec Chemistry of Consciousness. En 3e place, c'est stable. Et en fait, tout le top 3 est stable, donc je le répéterai pas. En 3e, Death Angel et The Dream Calls for Blood. En 2e, c'est Monster Magnet et Lost Patrol. Last Patrol, mon A de cette police-là ressemble étrangement à un O. Et en 1ère place, c'est Motorhead et Aftershock. Est-ce que tu penses que c'est un A ou un O? C'est un A, hein? C'est un A. Du côté du top 5, Musique du Monde. Une seule nouvelle entrée en 4e place, c'est Dynaco avec Lala Miava. Ça, c'est l'artiste. En 3e, c'est Stable. C'est l'artiste Tammy Crest avec Imanine Bass Izun. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, l'album... Non, excuse-moi, je répète. Ça devrait être précisé sur le palmarès, là, mais c'est des chansons et non des albums. Donc, corrigez-vous vous-même. En 2e, c'est Cabalistic Snare, la pièce de Anachronic Electro Orchestra. Et en 1ère, ça monte d'une place. La pièce Caprichos de España de l'artiste Stefano Boiani et Hamilton de Holanda. On dirait des joueurs de soccer. Oui, c'est ça. C'est ça de même. C'est pas faux, tu sais. Je me disais, Steph, tu me diras ce que t'en penses. Là. Tu m'interromperas si jamais ça n'a aucun sens. Là. Mais j'ai envie d'aller entendre une pièce de l'album Yuzu de Yamantaka et Sonic Titan. Pourquoi pas? On en parle toujours, mais on ne va jamais les entendre. En fait, c'est un collectif metal pop noise canadien qui s'appelle Yamantaka Sonic Titan. J'ai hâte de découvrir ça. Bon à savoir. Donc, écoutons la pièce One tout de suite au Palmarès C'est Fou dans le bloc Ailleurs dans les Palmarès. Oh, La pièce One du collectif canadien Yamantaka Sonic Titan. Et c'est sur leur album Ouzou. C'est leur deuxième. Leur premier s'appelait YT/ST. Et celui-là, Ouzou, est sorti le 29 octobre sur Suicide Squeeze aux États-Unis et Paperbag au Canada. Donc, allez les retrouver sur Internet. C'est Yamantaka, Yamantaka, Sonic Titan. Je pensais leur laisser finir leur finale, mais c'était plus une deuxième moitié de chanson, je trouve. Yamantaka, Sonic Titan, je le répète pour ceux qui étaient pas là il y a deux minutes. Et la pièce One sur l'album Ouzou. Et c'était la nouvelle entrée en 30e place du top 30 des albums. Donc voilà pour la section ailleurs dans les palmarès. Des palmarès, c'est fou. On retourne à notre top 20 franco et anglo. Du côté anglophone, la position numéro 3, c'est Miss Mister et Think of You qui descendent une place. Mais avant ça, voici en francophone stable, Lila Dissa et la pièce Tennessee. Avec une finale longue comme ça, on aurait pu s'attendre à ce que j'ai placé la pièce dans le lecteur, mais ce serait de se tromper de penser ça. Dans l'édition top 5 des palmarès, il faut continuer jusqu'au numéro 1. Et on vous rappelle que du côté anglophone, la position numéro 1 a descendu en 10e place. C'est Sedwell et Mother. Alors qu'en francophone, ben, c'est descendu aussi en 10e place. C'était Grobach. Les frères Goyette. Donc pour l'instant, 3e position en francophone, voici Tennessee de Lila Dissa au 89 FM. C'est fou. 89.1. You got high off my devotion. We caught as your crutch, like some sick of potion. I was addicted to your touch. Carried your way. Là, c'est fait, vous l'avez dans la tête pour le reste de la soirée. En tout cas, moi, ça va être le cas. C'est Think of You, l'ancien numéro 2, maintenant 3e de Miss Mister. C'est vrai que c'est bon. Pour vrai. Et du côté francophone, c'est stable. Et c'est Tennessee de Lila Dissa. Merci de confirmer, tu sais, ce que je dis. C'est vrai que c'est bon. C'est bon. Je seconde. Mais pas dans yeux, c'est bon dans les oreilles. Dans les trous de tête. Il y en a comme plusieurs. Dans les trous de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est rare que je me rende des tounes dans le nez. Comment on fait ça? Ah, c'est ça que je vous engorge tout le long de l'émission qui fait de la misère à parler, des tounes. Ah, que tu fais des ballons, genre. Dans... Ça bouillonne de succès. Ah, wow. Non, arrête. Donc, deuxième place du côté anglophone, c'est Solid. Ah, tiens, je pouvais faire des blagues de choses qui sont solides. Puis qui laissent des traces. Ah, non! Solid The Traces, position numéro 2, qui monte de 18 places. Et du côté francophone, ça monte de 3, c'est Accident de char, du Mimi Van Der Glo. Ouh! Hein? Trace de break. C'est hein? Ça? Non, non. Accident de char, ça fait des traces de break. Puis Solid The Traces, ça fait aussi des traces de break. Donc, vraiment... On enchaîne! C'est les positions numéro 2. Miam, miam, miam! C'est les Palmarès, c'est fou, édition top 5. Tel qu'on s'est rencontré, on s'est embrassé. Avoir que nos deux mains se touchent. Et qu'elle ne fasse plus qu'une seule. Les mains m'ont dit des fois soudé par le choc. Un peu plus et c'est là qu'on explose. Un peu plus et puis c'est drôle. La vitre D'avoir le beat de cette chanson-là dans la tête parce qu'il se passe comme mille affaires en même temps. Solids avec la pièce Traces qui monte de 18 places. C'était nouveau la semaine passée en 20e place. Et du côté francophone, sa montée de 3, c'est Accident Char de Mimi Van Der Glo. Diou. J'aime ce fond-là, il commence comme bizarre. Tu trouves pas, genre? Attention. Tu sais? Ok, c'était ça que t'imitais. Ouais. Oh. C'était pas fameux, hein? T'es pas très bon pour bruiter. Non. c'est un vrai verbe. Oui, on a cherché parce que quelqu'un a dit ça, je me rappelle pas trop où. Il a bruité quelque chose. Ah, c'était dans un article du Zone Campus. Prochain numéro qui sort mardi. Je crois que c'est dans celui-là. Je crois bien. Oui, je crois bien. Mardi le 12. Mais bref, bruité, je trouve ça très sympathique. Oui. Et on l'a roberté pour être certain. On l'a pas googlé, là, on a regardé dans le Robert. Dans donc le temps, on l'a roberté. Est-ce que tu penses que les gens faisaient ça, roberter quelque chose ou larousser quelque chose? Je ne crois pas. Non, hein, googler a vraiment commencé la mode, là. Oui, c'est trop hot. Facebooker, tweeter. Ben, Facebooker. Ouais, ça se dit Facebooker? Est-ce qu'on dit, mettons, Instagrammer? Ouais, en fait, je pense qu'on fait des verbes avec tout aujourd'hui. Ouais, splash facé. On va-tu palmarer? Palmarer. Ça, c'est dans le temps, je me rappelle qu'on disait ça, les palmarais. On disait ça. J'ai aussi dit beaucoup les palms. Les palms? Les palms, you know. J'ai dit dans les palms de la main. Je pense que je préfère palms que palmarais. Palmarais. Comme parle à marais. Oh, wow, oui. Oui, ouf. Hein, pas sûr. Mais bref, nos auditeurs resteront des palmiers. C'est comme ça, ça a été déterminé dans la Bible. Des palmarès. C'est une loi non écrite. Non écrite, non. Qui oserait écrire ça de toute façon? Hein? Et où on l'écrirait? Et avec quoi tu l'écrirais? Avec ta raie? Hey! Hein? Ça laisserait des traces comme la pièce là, de solide. On est supposé faire des jeux de mots seulement au numéro 1, par contre. Tantôt, on a gaspillé nos jeux de mots sur les positions numéro 3, c'est vrai ça? J'espère qu'elles ne deviendront jamais numéro 1. Numéro 2, oui. Bref, peu importe, on est rendu au numéro 1, mais on les passe pas tout de suite parce qu'il reste environ une vingtaine de minutes à l'émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner un petit peu en arrière à des positions qu'on a sautées. Par exemple, Random Recipe qui est en 11e avec Joy à la fin du bloc. Oui, mais on va commencer en 17e anglophone. Et c'est Painful Like de Ostra. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, d'accord avec toi. Parce que moi, je pense que Ostra, c'est vraiment... c'est un bon groupe. Oui, mais encore. Je les apprécie beaucoup. Oui. Et c'est sur l'album Olympia, OK? Puis c'est là depuis seulement 4 semaines, donc je pense qu'on devrait l'écouter. Ouais, surtout que ça a descendu beaucoup, je trouve ça malheureux. Oui. C'est juste assez de détails, t'sais. Si j'en avais eu moins, j'aurais pas compris. Si j'en avais eu plus, ça aurait été trop dans ma tête. Juste correct. OK. Tu es juste adéquate. Parfait. Merci. Juste adéquate. C'est même pas un compliment. Non, je sais. Non, c'est pas vrai, c'est fou édition top 5. C'est juste adéquat. Pas assez quoi. Adéquat. Ouh, voilà. Ouais, je sais. Ça, c'est une insulte pour rien. C'est une insulte, comme dit. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. C'était la position numéro... Caroline, c'était quelle position, ça? La... Non? Laquelle c'était, ça? Mais je sais pas. C'était The Darcy's. Caroline, je dois même mêler. The Darcy's, qu'on vient d'entendre. Comment ça, non? La pièce Hunting. Ça va où, ça? Je vais te mêler, Steph. Ben, on l'écoutait tantôt, là. Ouais, je sais pas pourquoi qu'on aurait écouté ça. C'est pas grave. On va revenir à nos palmarès. On va faire comme si de rien n'était. C'est ça. Il y a absolument rien là. Donc, toujours pas mal assez fou. On va continuer avec nos numéros 1 tout de suite. Et numéro 1, ça veut dire jeu de mots poche. Genre? C'est pas jeu de mots de poche. Si on en fait assez assemblage requis, c'est des petits jeux de mots pour emporter. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec l'entre-gens. C'est des petits jeux de mots. C'est comme un petit livre de poche. Donc, le numéro 1 francophone, Colin m'inspire un peu comme mon rhume m'inspire à tout oublier, ne pas trop savoir où je m'en vais. Un rhume, c'est ce que ça fait. Du mucus, de la fièvre des fois. Mais en même temps, t'arrives pas à pouvoir arrêter et sentir les fleurs. T'sais, on dit arrête et sens les fleurs. Quand t'as un rhume, t'arrêtes et tu sens absolument rien. Tu sais? Ouais. C'est comme ça. Alors que, tu sais, mettons, tu marchais sur le bord de la mer, si tu rencontrais un homme, une femme, quelque chose comme ça, tu voudrais sentir son odeur, parce que, tu sais, on dit tous, la phrase romantique classique, c'est « j'aime prendre des balades, faire des balades autour d'une plage, hein? Autour de la plage. Pas juste autour. Faut pas marcher dessus, par exemple. Pas, non, pas sur le bord. Non, on n'est pas du genre à séparer les eaux comme faisait... Moïse. Ouais, je cherchais Moïse, je cherchais... Parce que je savais que ça avait rapport avec un mois. Moïse, moi, juin. Juin. Oh boy. Plage, séparation, en dessous, qu'est-ce que t'as? Un chant, tu sais, ou une chanson. The June in the Fields, you know what I mean? Okay. J'ai fait tous mes jeux de mots, j'essaye. Oh, j'ai le rhume, faut me remercier. Tu es remercié de tes fonctions, merci, c'est bon. C'est comme quand quelqu'un te demande, genre, il faut être indulgent envers moi, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose, soyez indulgent. Ouais, je suis indulgent. C'était pas très bon. Tu le dis pas, par exemple. Ah, OK, je suis, ouais. Indulgent, j'indulge. Indulgent? Indulgent. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trop compris... Mais moi, j'ai pas compris ça. Ben, je vous annonce que les premières places cette semaine, du côté anglophone, ça a monté de 17 et c'est Adam Ancy de June in the Fields. Mais tout d'abord, on va l'entendre la première place francophone qui a monté de 1. C'est La fièvre des fleurs de Clopelgag. Bon, pas mal, c'est fou. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Je veux m'évader, je suis tannée de manger toujours la même chose. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Position. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. Good to be part of it now. It was needed to be free a lot of time on my own. What I had to find, I could only find it alone. now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud, but don't really need to say it out loud. There's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me, and I know I own the key. Well, I know I own the key. And there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains it is fading slow. C'était les premières positions de chaque côté. Du côté anglophone, on vient d'entendre June in the Fields et Andaman Sea qui montent de 17 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'était pour sa 7e semaine sur les palmarès. C'était La fièvre des fleurs de Clopelgag. Wow, mais quel excellent palmarès! On a fini ça tout en douceur. Ben oui, ça finit bien. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours en direct, les jeudis entre 15h et 18h pour l'édition complète qui rejoue le dimanche entre midi et 15h. Et on vous rappelle la version quotidienne du lundi au mercredi entre 17h et 18h. Lundi, c'est New Shit. Mardi, top 10. C'est mercredi top 5. On joue dans l'heure d'habitude. Top 10 en premier, top 5. D'habitude. Ouais. Merci Steph. Merci Mathieu. Ouais. Allez voir cif.ca pour la programmation et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Dur avec le rhume de sortir ces syllabes-là. Plus d'autres choses qui veulent sortir. Moi, c'est ça. On va se quitter avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la position numéro 12 francophone. Et c'est No Code de Jimmy Hunt. À la semaine prochaine. Bye! Bye.